Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon. Au micro de CKRL 89.1, et c'est l'heure de Futur Simple, l'heure d'ouvrir vos yeux et vos oreilles sur la science. La fébrilité, disais-je, commence à être palpable à CKRL 89.1 avec le Radioton qui aura lieu les 26, 27 et 28 avril prochains. Vous le savez, le Radioton, c'est un événement majeur de financement pour CKRL 89.1 et l'objectif est d'amasser 50 000 $. Et vous pouvez déjà y contribuer en faisant un don pré-Radioton à partir de 20 $ et ainsi courir la chance de gagner le prix spécial pré-radioton d'une valeur de 300 $ qui inclut un certificat cadeau de 150 $ de la boutique Le Pédalier. Donc ça vaut le coup. Et vous pouvez aussi y contribuer déjà en participant à l'encan qui est déjà ouvert en ligne. Il y a 100 lots, par exemple des abonnements festival, musical, au théâtre, des livres, des BD, de l'hébergement, des œuvres d'art, toutes sortes de belles choses. Et vous pouvez déjà miser, c'est ouvert. Alors tous les détails bien sûr sur le site internet de CKRL 89.1. Et en attendant le jour du Radioton, eh bien, c'est aujourd'hui le jour de la Terre. Alors, nous allons en parler de notre Terre. Nous allons en parler à propos des minéraux que le sous-sol de notre Terre renferme et qui sont nécessaires à ce qu'on appelle la transition énergétique. Ce sera à 18h30. Et pour le moment, eh bien, on va parler de la Terre, oui, mais surtout des océans. Car oui, il y a des océans aussi sur la Terre. Donc, Daniel Filion est étudiant au doctorat à l'Université du Québec, à Rimouski. C'est lui qui vient nous raconter sa recherche qu'il mène en Antarctique. Et aujourd'hui, eh bien, il nous raconte l'histoire des océans ou comment les océans ont évolué à travers les milliards d'années. Bonjour Daniel. Bonsoir Valérie, bonsoir Samuel, merci de nous recevoir. Merci à toi de venir comme ça régulièrement nous raconter des histoires de l'Antarctique, des histoires aujourd'hui donc des océans. Alors en fait, on a choisi aujourd'hui de nous raconter l'histoire des océans, comment ils étaient les océans, comment ils sont arrivés, comment ils ont évolué. Mais en fait, si on parle de la Terre, en fait, elle était comment la Terre il y a des milliards d'années? Elle n'était peut-être pas comme on la voit aujourd'hui. Non, pas tout à fait. La Terre, en fait, il y a des milliards d'années, était une drôle de planète, et pour différentes raisons, là. Et avant de rentrer dans les précisions, j'aimerais rappeler que, mettre un peu, en fait, de perspective sur l'âge de la planète. On parle de milliards d'années, mais c'est beaucoup, là. Puis pour un humain, c'est enfin impossible à imaginer. Mais malheureusement, en géologie, il faut remettre les chiffres en place, puis il faut remettre les choses en perspective. Donc, on n'a pas le choix de gérer des aussi grands nombres. Donc, la Terre a 4,56 milliards d'années. Donc ça, c'est 4 500 millions d'années. Donc, c'est beaucoup d'années. Et il s'en est passé des événements, des perturbations à travers ces années-là. Et la formation de la planète, ça s'est fait dans des conditions violentes et chaotiques. Et la visualisation qu'on se fait de la Terre primitive et la vieille Terre, c'est justement ça. Hein, c'est un paysage cataclysmique, c'est la fin du monde, ouais. il y a des météorites, il y a des volcans partout, c'est des océans de lave aussi, donc c'est un peu la visualisation, le portrait qu'on s'en fait. Probablement aussi que les films nous aident pas trop, hein. Donc Hollywood aime bien ça nous montrer justement que les documentaires, tout ça, on voit que c'était très très cataclysmique, mais ce qui est un peu fascinant avec ça, c'est que c'est pas tout à fait une description qui est précise quand on parle de l'histoire de la Terre. Probablement que ça l'est, comme je disais, pour la formation, parce que une planète, ça se forme avec l'accrétion, donc l'amalgame de plusieurs astéroïdes qui rentrent en collision, qui finissent par éventuellement devenir une planète. Donc évidemment, il y a pas d'autre manière de faire que d'avoir quelque chose qui est violent. Mais en quelques millions d'années, peut-être 3-4 millions d'années, les conditions qui prévalaient sur la planète n'étaient pas drastiquement différentes de ce qu'on est habitué aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a certaines différences. Par exemple, le soleil. On a tous vécu l'éclipse, ou du moins, une grande proportion de la population a vécu l'éclipse dernièrement. Et, bon, moi, j'étais à Rimouski, j'ai vu à peu près 96% de l'éclipse. Et, ce qu'on remarquait, c'était qu'il y avait une espèce de tamissage. Hein. Comme si c'était pas tout à fait la nuit, mais quand même, c'était un peu... Il y avait une lueur étrange. Hein? C'est ça, c'était un peu le crépuscule. Ouais. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la luminosité d'une étoile, ça augmente avec son âge. Ah. Donc, il y a quelques milliards d'années, le Soleil était beaucoup moins lumineux. Mm. Il était à peu près 20-30% moins lumineux. Donc, l'énergie qu'il nous envoyait était beaucoup plus petite également. Donc, dans le ciel, si c'était un peu nuageux, eh bien, la brillance que l'étoile avait était déjà moindre. Donc, quelqu'un qui se déplaçait sur la planète, déjà là, verrait la différence entre les deux. Évidemment, pas quand c'est dégagé, puis parce qu'évidemment qu'on soit à 70% ou à 100%, mm-hmm, ou peu importe. On n'est pas capable de voir le soleil, mais quand même, après, si on regardait, si on prenait la lumière qu'on reçoit et qu'on la divisait, on verrait aussi qu'il y a des différences et que la lumière qui radiait de l'étoile n'était, mm-hmm, pas la même. Donc, déjà là, avec le soleil, il y avait des conditions un peu différentes. Si on se promenait encore une fois sur la planète, le sol était différent. Donc, la croûte terrestre était beaucoup plus ductile, beaucoup plus molle, étant, ouais, donné que le manteau, le sous-sol de la planète était beaucoup plus chaud. Le régime thermique fonctionnait, ouais, était intense, 3-4 fois plus grand que celui qu'on connaît en ce moment. Donc, ça faisait que le sol n'avait pas le temps de refroidir complètement et de se solidifier. Il était toujours un peu en train de partiellement fondre. Donc, on n'assistait pas à des grandes chaînes de montagnes puisque les croûtes terrestres étaient trop faible, en fait, pour soutenir ce relief-là. Donc, on aurait vu un sol qui était plus plat. Et l'atmosphère est probablement ce qui était le plus différent. Aujourd'hui, on prend pour acquis l'oxygène. Ouais. Mais en fait, l'oxygène, on en parlera un peu plus tard, a été absent durant la majorité de l'histoire de la planète. Donc, l'oxygène n'était définitivement pas une composante principale. C'était plutôt, au départ, une atmosphère chargée en vapeur de silicate, donc de la roche essentiellement, et des gaz chauds qui émanaient des volcans. Éventuellement, il y a le manteau dégazait beaucoup d'éruptions volcaniques. Ça, c'est sûr que ça reste quelque chose qui était plus fréquent qu'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup d'eau et de gaz à effet de serre en général. Mm-hmm. Donc, pas une atmosphère qui était très hospitalière pour ce qu'on connaît aujourd'hui. La machinerie, ouais, biologique pouvait pas vraiment survivre avec une atmosphère comme ça. Et éventuellement, la planète s'est refroidie et l'eau qui était dans l'atmosphère a condensé et on a assisté un peu à un déluge et éventuellement, ça a formé les océans. Et c'est un peu ce sur quoi je veux focusser, ouais, les océans, puisque les océans sont apparus à une échelle géologique extrêmement tôt dans l'histoire de la planète. Mmh, c'est-à-dire? Donc, je disais que la planète a 4,56 milliards d'années, ouais, les premiers océans seraient arrivés à 4,4 milliards d'années. Donc, quand même un milliard d'années plus tard. 0,1 milliard d'années plus tard. Donc 4,56, ah, oui, oui, milliards, pardon, puis le, ouais, 4,4, donc en seulement, ouais, 0,1, ah, milliard, oui, d'années. Okay. Et donc je dis seulement, et encore une fois, on parle des échelles qui, pour nous les humains, sont impossibles à comprendre, mais c'est arrivé relativement tôt. Et lorsqu'on a une planète avec des océans, on est complètement différent de ce qu'on a comme image, visualisation de la planète avec, comme je disais, les océans de lave, mm-hmm, et de magma. Mm-hmm. Donc, il y avait de l'eau liquide sur Terre et qui dit eau liquide dit vie. Donc, la vie serait pas arrivée en même temps que les océans. Là, on en reparlera encore une fois, mais ça a pris quand même quelques temps avant que la vie puisse évoluer éventuellement et former des êtres un peu plus complexes. Mais il y avait quand même de l'eau liquide très très tôt. Et donc c'est ça le point global que je veux passer, c'est que les conditions clémentes, environnementales, climatiques, sont arrivées relativement tôt et il y avait des océans presque au début de l'histoire, qui ont évolué à travers le temps. Et la manière dont on a découvert ces premiers océans-là, ouais, c'est une histoire absolument fascinante. C'est en regardant les roches. Et c'est en regardant les roches, on est capable de déduire quand sont arrivés les océans. Donc, en les regardant avec un point de vue un peu plus différent que, ouais, nos yeux, disons. Donc, et ça, c'est quelque chose en géologie qui revient souvent, là, pour le commun du mortel, des roches, c'est un peu banal. Mm-hmm. c'est des roches. Mais quand on sait les regarder avec le bon point de vue, avec une bonne perspective, certains, avec certains outils, on peut réussir à extraire des informations qui nous donnent qui nous donne en fait des précisions sur ce à quoi ressemblait la Terre. Et en Australie de l'Ouest, il y a une grosse formation rocheuse qu'on connaît bien, et cette formation rocheuse-là date de 3,5 milliards d'années. Donc, c'est vieux, mais ça l'a survécu l'épreuve du temps, et aujourd'hui, bon, c'est des vieilles roches. C'est pas les plus vieilles roches, mais quand même une vieille formation rocheuse. Mais à l'intérieur, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment le fun, c'est qu'on a découvert certains minéraux qu'on appelle des zircons, et ces minéraux-là, ils peuvent se former seulement lorsqu'il y a de l'eau. Ah, OK. Donc c'est une des choses qui nous a surpris. Et lorsqu'on les a datés, on utilise différentes techniques là, en géologie pour dater des roches, on a découvert qu'ils étaient vieux de 4,3-4,4 milliards d'années. Ah oui. Donc beaucoup plus vieux que la roche dans laquelle ils se trouvent. Donc cette combinaison-là d'une datation qui est très vieille, 4,4 milliards d'années, et le fait qu'ils existent, parce que comme je disais, des zircons se forment d'habitude dans des granites qui sont des roches qui se forment lorsqu'il y a de l'eau, faisait en sorte qu'on était capable de déduire essentiellement que les océans étaient là dès 4,4 milliards d'années, ou du moins qu'il y avait une interaction entre la croûte et une hydrologie qui était présente. Donc ça, c'était vraiment, vraiment fascinant. Et avec le temps, ça, c'est des découvertes qu'on a fait au début des années 2000 environ. Et avec le temps, ces découvertes-là se sont précisées. Et aujourd'hui, c'est relativement bien accepté que les océans étaient aussi vieux que ça. Et donc maintenant, comment ils ont évolué? Puis comment ils sont arrivés? En fait, comment cette eau est arrivée sur Terre? C'est ça que je me demande depuis tantôt. Ouais, comment l'eau arrive? Comment il y a autant un aussi grand volume d'eau qui peut arriver sur une planète? Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. En fait, c'est que si on regarde un peu les gens qui travaillent dans le milieu, il n'y a pas de consensus encore. Donc, on n'est même pas certain de comprendre vraiment le budget, le bilan de l'origine de l'eau. Donc, on sait qu'il y a plusieurs sources, c'est pas seulement une source. Donc, on sait qu'il y a plusieurs sources, mais on sait pas laquelle était la plus dominante. Et peut-être, certaines personnes vous diraient peut-être qu'ils le savent, mais c'est ça, justement, quand on regarde vraiment qu'est-ce qui est publié, on n'est pas certain. Et il y en a une grande proportion, probablement, qui vient des astéroïdes extraterrestres, des comètes. On sait que les comètes sont riches en glace, et durant la formation de la planète, les bombardements étaient beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. Donc, il y a certainement une proportion non négligeable d'eau qui a été amenée par les météorites, et surtout plus les comètes, qui étaient plus riches en glace et en eau. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a certains minéraux qui sont hydratés, qui contiennent quelques molécules d'eau et qui peuvent éventuellement relâcher cette eau-là. Mais est-ce qu'ils ont acquis cette humidité, ou est-ce la planète, c'est quoi le... Au final, la planète, lorsqu'elle se forme, contient déjà des molécules d'eau. Okay. Mais souvent, ces molécules d'eau-là ne sont pas à la surface, ils sont dans le manteau. Puis éventuellement, le manteau s'est dégazé. Puis pendant des longues périodes de temps durant la formation, il y avait des éruptions volcaniques, mais il y avait aussi une entrée plus facile d'accès avec le manteau. Il y avait un dégazage qui était plus intense, et il y avait de l'eau qui émanait de ces échanges-là et qui se retrouvait dans l'atmosphère avec le temps. Puis éventuellement, la planète s'est refroidie, puis l'eau a condensé, et c'est essentiellement le même phénomène que la pluie aujourd'hui. Donc il y avait de l'eau qui était dans le manteau qui dégazait. Donc cette combinaison-là de dégazage, de comètes, de minéraux qui relâchent un peu d'eau, éventuellement, ça peut finir par former un volume d'eau qui est relativement important pour former les océans qu'on connaît aujourd'hui. Après, il y a des théories pour savoir est-ce que les océans étaient plus volumineux à l'époque et on perd de l'eau? Est-ce qu'on continue à garder, à obtenir de l'eau? Donc ça, c'est un peu nébuleux par rapport à ces détails-là. Mais c'est ça. Donc l'origine de l'eau est une histoire qui est vraiment importante, vraiment intéressante, mais qui n'est pas encore tout à fait bien comprise. Et pourtant, encore une fois, l'eau est quelque chose qu'on prend pour acquis de nos jours. C'est partout autour de nous, et on en a même besoin, nous, pour survivre. Mais comment elle est arrivée? Eh bien, c'est des questions que les scientifiques sont même pas capables de répondre tout à fait encore aujourd'hui, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui demeurent. Des questions qui sont relativement simples, mais qui, quand on essaie de les comprendre, sont beaucoup plus complexes. Et donc, on a besoin d'utiliser de la chimie, de la géologie, puis même de la biologie pour comprendre toute cette évolution-là. Donc, néanmoins, les océans se sont formés relativement tôt. Donc, comment ces océans-là étaient? Ouais, c'est bien, ça. Est-ce qu'il faisait beau se baigner dans ces océans à cette époque-là? Bien, il y a différents aspects, et on verra que la réponse à cette question-là est non. Donc, la planète primitive était une planète chaude. Il faisait pas mal plus chaud qu'aujourd'hui. Donc, dès la fin des bombardements majeurs, les océans auraient été autour de 100 degrés. Ouh, donc, juste un peu en dessous de la... C'est un bout, ça! Ouais, juste en dessous de cette température-là. Donc, les modèles les plus intenses, là, ils prédisent des températures qui étaient originalement autour de 100 degrés. Et relativement rapidement, ça s'est refroidi. Mm-hmm. Mais quand même, là, il y a 2,5 milliards d'années, les températures étaient quand même autour de 50 degrés. Donc, c'était des océans qui étaient plus chauds qu'aujourd'hui. Donc, les premières formes de vie étaient ce qu'on appelle des thermophiles, c'est-à-dire des micro-organismes qui résistent aux grandes températures. Les océans étaient également acides. Aujourd'hui, on sait que les océans ont un pH d'à peu près 8,2. Donc, c'est un pH qui est alcalin, qui est basique. Et donc, on voit avec les réchauffements climatiques et pas nécessairement le réchauffement climatique, mais le fait qu'on brûle autant d'énergie fossile et de pétrole, ça relargue beaucoup de carbone qui, après ça, est absorbé par les océans. Ouais. C'est ça, il est dissous. Puis on est en train d'acidifier. C'est ça, exactement. On en voit beaucoup dans l'actualité. Là, et c'est un pan de la science qui est très, très important de nos jours. Donc, on est en train d'acidifier les océans en ce moment. Mais il y a des milliards d'années, les premiers océans étaient acides, à peu près un pH de 6,5, donc juste en dessous de 7, qui est le pH neutre, et avec l'évolution, avec l'histoire, les pH sont éventuellement devenus de plus en plus basiques. Donc une combinaison de température relativement chaude, un pH acide, donc il ferait sûrement pas bon se baigner. Un pH comme ça, ça représente quoi exactement là? C'est comme du citron, c'est comme peut-être pas, non, c'est... Oh, bonne question. Donc il faudrait regarder un peu le tu sais, il existe des échelles où est-ce qu'on peut voir comment les c'est probablement pas du citron là, du citron non, c'est relatif, c'est pas mal, pas mal acide là. Donc j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent rapidement, mais c'est pas extrêmement acide okay. Dans la mesure où que le pH neutre est de 7. Donc, l'eau, disons, l'eau pure est un pH de 7. Donc, 6,5, c'est pas quelque chose qui est vraiment intense, là. Notre estomac est à peu près à pH 2, 3, là. Donc, ça donne une différence, là. Donc, non, c'était pas des pH extrêmement acides, mais quand même acides comparé à nos pH, à nos océans modernes. Ouais. Et l'une des plus grandes différences, c'est que les océans, encore une fois, durant la majorité de l'histoire, étaient riche en fer. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de fer dans les océans. Aujourd'hui, il y a du fer, mais c'est pas la seule composante et c'est loin d'être la composante principale dans les océans. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de fer et pas d'oxygène. Ah ouais. Donc, c'était les conditions, disons, chimiques qui prévalaient durant l'histoire. Et malgré tout, donc, ces conditions chimiques qui sont très différentes de celles de nos océans actuels ont quand même permis l'apparition de la vie. On dit que c'est quand même dans les océans que la vie s'est formée. Ouais, exactement. Donc, quelle vie pouvait vivre dans ces conditions-là? Ouais, je sais, ça a l'air absolument atroce, hein, des conditions impossibles et extrêmes comme ça. Mais il y a la biologie est quelque chose d'absolument fabuleux. Puis, les micro-organismes là, sont capables de se développer sur des stratégies métaboliques très simples. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'oxygène qu'on ne peut pas avoir de vie. Les organismes sont capables de respirer d'autres molécules que l'oxygène. Et il y en avait dans ces océans-là. Donc, il y avait du fer, oui, mais il y avait différents types de molécules qui leur permettait de respirer. Donc, pour nous, c'est impossible à comprendre, mais il y en avait quelques-unes. Par exemple, le sulfate. Donc, ils sont capables de prendre le sulfate, qui est une molécule avec un atome de soufre. Puis, ils sont capables d'utiliser cette molécule-là, puis de respirer un peu comme nous, on le fait avec l'oxygène. Et comme tu disais, les océans, il y a plusieurs théories encore. On ne sait pas. L'origine de la vie est une question encore beaucoup plus controversée que l'origine de l'eau. Donc, mais... Tout de même, les océans auraient probablement été les premiers habitats. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que la biologie, lorsqu'on la met à la plus simple expression, c'est les micro-organismes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent des molécules, ils les transforment, puis ils utilisent l'énergie qui ressort de ces réactions-là pour développer leur métabolisme, puis ainsi survivre. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et éventuellement, ça allait évoluer vers des systèmes un peu plus complexes. Donc, au départ, c'était des réactions qui sont pas très énergétiquement favorables. Donc, des réactions qui sont... Et aujourd'hui, il existe encore ces réactions-là dans des endroits relativement profonds dans l'océan, assez extrêmes. Mais c'est des réactions qui sont pas très favorables et qui libèrent un petit peu d'énergie. Mais à l'époque, c'était tout ce que ça leur prenait, en fait, pour réussir à survivre. Donc, des stratégies très simples... éventuellement, ça s'est évolué. Hein. Ça, c'est la théorie de l'évolution qui éventuellement finit par donner des êtres de plus en plus complexes. Mais au départ, c'est comme ça que ça fonctionnait. C'était simplement d'utiliser d'autres molécules que l'oxygène pour respirer. Il y avait un peu de matière organique, donc ils réussissaient à survivre de cette manière-là. Puis à un moment donné, eh bien, l'oxygène est arrivé. Il y a de l'oxygène qui est arrivé dans l'océan puis dans l'atmosphère. Donc ça, ça s'est fait quand? Donc ça, c'est la photosynthèse, hein, la fameuse réaction chimique où est-ce qu'on on utilise un peu l'énergie du soleil, puis on produit de l'oxygène. Puis c'est une stratégie métabolique qui est arrivée un peu plus tard. Si on se fie à à comment les... encore une fois, on regarde les roches. On regarde les vieilles roches. Et on regarde dans ces vieilles roches-là, est-ce qu'il y a des preuves qu'il y avait de l'oxygène qui était produite? Et si on regarde comment les résultats convergent, la photosynthèse ce serait aurait évolué autour de 2,7 milliards d'années avant aujourd'hui. Okay. Donc... à peu près au milieu de la vie de la Terre, disons. Donc, 2,7 milliards d'années. Les premiers organismes seraient apparus autour de 3,8 milliards d'années. Donc, à peu près, grosso modo, 1 milliard d'années après la photosynthèse oxygénique. Mm-hmm. Donc, celle qui produit de l'oxygène aurait évolué sur Terre. Et c'est de cette manière-là que l'oxygène aurait également fait son apparition d'abord dans l'atmosphère, puis ensuite à la surface océanique, puis beaucoup plus tard que ça, ça l'aurait oxygéné le fond des océans. Donc, ce qui est un peu contre-intuitif avec ça, c'est qu'aujourd'hui, l'oxygène, bon, elle est produite par la photosynthèse, mais elle est tout de suite consommée par nous qui la respirons. Il y a pas, si on regarde les teneurs d'oxygène dans l'atmosphère, ça n'a pas vraiment évolué depuis vraiment longtemps. Là. On est à 20,95% d'oxygène dans l'atmosphère. Pourquoi? Ben, c'est qu'il n'y a pas de nouvel oxygène. Aussitôt qu'elle est produite, la vie l'utilise pour respirer. Ouais. Donc, comment on peut avoir un gain d'énergie de cette manière-là? Ben, il faut qu'il y en ait une partie de la matière organique qui est pas oxydé essentiellement. Donc il faut qu'il y en ait une partie qui échappe à l'oxygène, et si il y a des événements qui se déroulent qu'on comprend pas trop mais qui un peu favorisent l'échappement de la matière organique à cet oxygène là, ben ça fait un gain d'oxygène et qui s'accumule, puis comme ça on réussit à avoir des proportions qui sont de plus en plus grandes. Puis ça, c'est l'une des hypothèses qu'on croit. Donc il faut réussir à briser un peu ce circuit fermé-là de production d'oxygène et de consommation, qui est presque un cycle fermé, là. Mais justement, il y a des endroits comme ça là, dans ce cycle-là qui permettent d'avoir un gain d'oxygène. Et c'est comme ça qu'éventuellement, on a réussi à oxygéner l'atmosphère, la surface océanique. Puis là, une fois qu'on introduit de l'oxygène dans les océans, ben, ça donne beaucoup plus de possibilités, de flexibilité aux micro-organismes pour évoluer. Il y a de nouvelles chimies qui peuvent se mettre en place. C'est ça, parce que l'oxygène est beaucoup plus, disons, facile à respirer que les autres molécules. Donc, aussitôt que son apparition se fait dans les océans, ben là, c'est un peu le party. Là. Il y a une évolution beaucoup plus rapide qui se fait, puis on l'utilise parce que là, il est présent, puis... éventuellement, c'est le fond des océans qui s'oxygène, puis on en arrive aux océans modernes. C'est le fond des océans qui s'oxygène? Ben, éventuellement, on a la surface qui s'oxygène, puis là, cet oxygène-là, il est vu un peu comme un poison aux micro-organismes qui étaient déjà là, donc eux sont poussés de plus en plus vers le bas des océans, mais quand même, l'oxygène est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus énergétiquement favorable, donc ça évolue rapidement à la surface océanique, puis éventuellement, à partir du haut, on a une oxygénation qui va vers le bas, puis pour en venir au final aux océans modernes qui sont pratiquement au complet oxygénés jusqu'au fond. Là, du Soudan, dans la plupart des cas, il faut arriver jusqu'au sédiment, donc la bouette qui s'accumule dans le fond, où est-ce que là, ça redevient anoxique, c'est-à-dire que ça redevient dépourvu d'oxygène, mais sinon, l'oxygène est pas mal présent dans les systèmes aquatiques là, de nos jours. Et comment on fait toutes ces découvertes-là? Comment on est capable de retrouver le moment où l'oxygène est arrivé dans l'océan, le moment où l'oxygène est arrivé a gagné le fond de l'océan? Comment on... on découvre tout ça? Ouais, ben la première, il y a plusieurs approches. La première, c'est les géologues, surtout qui a un gros rôle à jouer là-dedans. C'est comme je disais, c'est de regarder les roches. Ouais. Donc on prend des roches qui sont vieilles, donc on les date, donc on sait à peu près quelle ère dans le passé il existe. Puis à l'intérieur, on essaie de trouver des minéraux. Puis si on analyse ces minéraux-là de la bonne manière, on regarde certains atomes, puis là certains isotopes pour ceux à qui ça parle, on peut réussir à comprendre que telle réaction existait à cette époque-là. Ah ouais. Donc, si cette réaction-là existait, ben, on peut se dire que il y avait de l'oxygène, par exemple, okay. Si c'est une réaction qui nécessite de l'oxygène. On peut également regarder des fossiles. Donc, les micro-organismes qui font de la photosynthèse, ben, ils vont avoir des composantes qui peuvent être retrouvées dans des fossiles. Donc, il y a possibilité de trouver des vieux fossiles. Il y a des fossiles de molécules également. Donc, ça, c'est un peu plus contre-intuitif parce que les molécules, c'est très petit, mais on appelle ça des biomarqueurs. Mais essentiellement, c'est ça, c'est une molécule qui se fossilise dans les sédiments, dans le fond des océans, et qui est préservée, qui réussit à... Elle n'est pas dégradée, elle n'est pas prise par quoi que ce soit. Il y a certaines molécules qui sont très récalcitrantes, donc qui sont très bonnes pour justement résister à tous les stress extérieurs qui peuvent exister, et donc qui perdurent à travers l'épreuve du temps. Et si on est bon pour les retrouver, les échantillonner sans les détruire, c'est ça, les garder intacts, on les ramène au laboratoire, puis on essaie de les identifier, ben on peut associer cette molécule-là à un micro-organisme ou à une réaction en particulier. Donc, c'est une manière de procéder. Et sinon, une de mes manières préférées, c'est d'aller étudier des endroits sur Terre qui ressemblent à ces vieux océans qu'on avait. Puis, en regardant comment ces endroits-là sur Terre fonctionnent, comment leur chimie, leur biologie s'adapte, ben on est capable de faire des parallèles avec comment ça se déroulait il y a des milliards d'années. Donc, sur Terre, même si on est capable de vivre dessus en ce moment, il y a encore des endroits reculés, difficiles d'accès, mais qui sont extrêmement... qui sont très extrêmes, donc extrêmement extrêmes. Donc, qui sont des fossiles des anciennes conditions, finalement. Ouais, sites fossiles de ce qu'il y avait auparavant, de l'ancienne Terre. Ça serait une manière élégante de le mettre. Donc, on peut étudier ces endroits-là qui sont vraiment particuliers, vraiment rares. Puis, on est capable, si on l'étudie d'une certaine manière, on est capable de faire des parallèles avec comment c'était à l'époque. Donc, ça, c'est une autre manière également qui se rajoute. Donc, la combinaison de tout ça fait que si on met nos résultats ensemble, qu'on comptabilise tout ça, on est capable de recréer une histoire qui est parfois discontinue, mais qui sinon réussit à donner des résultats qui convergent vers quelque chose qui est logique, qui fait du sens. Et des pièces du casse-tête qui s'assemblent, qu'on arrive à assembler pour reconstituer l'image de la Terre de jadis. C'est ça, exactement, parce qu'on peut toujours retrouver des résultats qui vont complètement à l'opposé de ce qu'on vient de trouver, mais en trouvant plusieurs, on réussit à trouver des tendances, puis c'est comme ça qu'on trouve. Et puis ça, un de ces sites-là, c'est justement ce que tu explores, ce que tu étudies, le lac Untersee en Antarctique. Exactement. Justement, donc, l'objet de ton doctorat. C'est ça, donc en Antarctique, des lacs qui sont un peu spéciaux comme ça, donc ça fait partie de ma thèse de doctorat d'étudier la chimie de ce lac-là, puis d'essayer de comprendre comment la chimie des océans prévalait sur la Terre primitive il y a à peu près 2,5 milliards d'années. C'est toujours fascinant de t'écouter, Daniel, d'entendre ce qui se passe dans les confins de la Terre ou alors dans les confins de l'histoire de la Terre. Merci beaucoup, Daniel, pour cette visite au micro. Donc, je rappelle que Daniel Filion est étudiant au doctorat à l'Université de Québec à Rimouski.